Son père ne voulait pas qu'elle fasse de petits pas. Benvinguts, amics i amigues, amb una nova edició de Hola la Música. Us parla Rafael Corbí. Avui comencem parlant de música amb Caloguero i aquest La Boa Music que ens acompanyarà amb els primers minuts. Car la vie cloue au sol, souvent les gens qui rêvent qu'ils s'envolent. La vie les étrique dans des boîtes à musique, travaillant sa technique, elle est devenue danseuse classique. C'est elle qui s'envole, elle qui virevolte, et qui tourne et qui décolle. Doncs sí, hem començat amb aquesta cançó que ens aportava en Caloguero. Una vegada més entre nosaltres intentem començar els nostres espais amb música que tingui a veure amb la música, precisament, i per això ho fem. Hola, la Música, el programa de música en francès amb Rafael Corbí, que avui té com a primera protagonista a la Nicole Martin i Le Triomphant, que es deia el seu àlbum, que, del qual avui, amb una recopilació de moltíssimes de les seves cançons, es va publicar l'any 2010. D'ella escoltarem quatre peces, ja l'havíem escoltat en un anterior programa, però fa molts que havien sentit alguna de les seves cançons, i avui la recuperem per tots els nostres oients. Què escoltarem? Doncs Je ne partirà plus, c'est l'amour, l'himne a l'amor i Ne t'en fa por són els quatre temes que sentim de Nicole Martin. Je ne partirai plus, je suis bien. On s'était battu pour des riens. Et je sais que je t'aime. Non, je n'irai plus vivre ailleurs. Je suis revenue dans ton cœur. Que je t'aime. Je ne partirai plus, j'en suis sûre. Pour

Ça fait pourtant 5 ans qu'on apprend, toi et moi, à s'aimer, se connaître un peu plus chaque jour. Qu'est-ce qui t'arrive? Tes yeux ne me voient plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te rejoins plus. Ne t'en vas pas. Je ne vis plus sans toi. Ne t'en vas pas. Écoute-moi. Ne t'en vas pas. Toi qui m'as mise au monde, tu me laisses déjà. Ne t'en vas pas. Hier on voyageait, rien qu'à se regarder, de la cuisine au lit, du lit jusqu'au fond de nous-mêmes. Maintenant on dirait que tout s'est arrêté, que tu n'es plus ici quand je dis que je t'aime. Qu'est-ce qui t'arrive? Tes yeux ne me voient plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te rejoins plus. Ne t'en vas pas. Je ne vis plus sans toi. Hey! retenez mes larmes. J'ai pleuré pour mieux t'aimer. J'ai payé de temps, de larmes, pour toujours le droit d'aimer.

amb Rafael Corbí. Així hem escoltat a Charles Aznavour, a Nicole Martin per començar el nostre programa, i arribant a la meitat és el moment de l'actualitat i escoltar disc de 2020. És la música que ens porta... Us en van parlar fa uns dies, perquè hi havia dos àlbums el 2020 editats sota el mateix nom, La vida és bella. I avui hem triat l'àlbum que ens aporta en Rolando, així s'anomena aquest intèrpret, que ens portarà cançons com aquesta, C'est la vie, C'est l'amour, o també una altra de les cançons que es troben en aquest àlbum, Memphis, Tennessee. Avec sa guitare à la main, chacun d'entre nous voulait devenir son copain. On ignorait tout de lui, mais il avait écrit sur le bois de sa guitare, Memphis, Tennessee. Sans chercher plus loin, c'est comme ça qu'on l'a surnommé. Par toute la bande, alors il fut tout de suite adopté. Quand parfois l'un d'entre nous avait quelques ennuis, ensemble on allait le dire à Memphis, Tennessee. We'll be right back. chanter doucement en fermant les yeux. Plus rien ne comptait, on ne pouvait pas être mieux. Quand je joue sur ma guitare les airs qu'il m'a appris, un écho dans ma mémoire dit Memphis, Tennessee. Mais de temps en temps, ses yeux bleus semblaient se figer. Alors il chantait sans fin d'étranges mélodies. Toujours un nom revenait, c'était Mississippi. On comprenait qu'on le perdrait à Memphis, Tennessee. On ne peut pas en vouloir à Memphis, Tennessee. Així és la música d'aquest personatge, Yvonne Rolando, Rolando l'Étranger, el coneixen amb aquest nom, un personatge també amb barret de cowboy, i es nota amb la seva música que ens arriba també avui des del Quebec, on hi tornem amb les seves cançons. La vida és bella és el títol del seu àlbum i també de la cançó que escoltarem ara mateix, i òbviament si és un personatge més vinculat també a la música americana, podríem escoltar un tema que es diu Tennessee, Tennessee, dedicat al bressol de la música country. Pourquoi tant chercher le bonheur, surtout quand il est là dans nos cœurs? Il suffit juste d'ouvrir la porte, c'est sûr qu'il va y entrer. La vie est belle, surtout si tu laisses le bonheur entrer. La vie est belle, chaque moment de la vie. La vie est belle, surtout quand elle n'est pas si compliquée. La vie est belle, c'est nous qui sommes un peu trop compliqués. C'est possible. Souris toujours à celui qui pleure. Enfin, tu trouveras le bonheur. La vie est belle, surtout si tu laisses le bonheur entrer. La vie est belle, chaque moment de la vie. La vie est belle, surtout quand elle n'est pas si compliquée. La vie est belle, c'est nous qui sommes un peu trop compliqués. La vie est belle, comme un peu trop compliqué. Tennessee. Je t'ai laissé ma femme et mon meilleur ami pour aller vers le nord pour y chercher de l'or. Je vais laisser ma peau à Chicago. Tennessee, Tennessee, pourquoi m'as-tu trahi? T'aurais dû me donner de quoi manger. Tennessee, Tennessee, pourquoi m'as-tu trahi? T'aurais dû me donner de quoi manger. Je ne suis qu'un cowboy, Tennessee. Je n'ai pas ce qu'il faut pour vivre à Chicago, mais je sais me servir d'un lasso au galop. Et je mène un troupeau comme il faut. Tennessee, oh Tennessee, pourquoi m'as-tu trahi? T'aurais dû me donner de quoi manger. Tennessee, Tennessee, pourquoi m'as-tu trahi? T'aurais dû me donner de quoi manger. Tennessee, j'ai du sang sur les mains et j'en paye le prix. Ici, quand on manque son premier vol de banque, on doit laisser sa peau à Chicago. Tennessee, Tennessee, pourquoi m'as-tu trahi? T'aurais dû me donner de quoi manger. Tennessee, Tennessee, pourquoi m'as-tu trahi? T'aurais dû me donner de quoi manger. Això és Oh La La Music, el programa de música francesa a la teva emissora. L'amour est sans pitié. Oh non, rien ne va changé. Il n'y a rien à faire, la douleur est amère, le bonheur éphémère, toujours recommencer, l'amour est sans pitié. Ce n'est pas rose, la vie ce n'est pas rose. La terre est comme une boule qui roule dans l'univers. Un jour tout peut sauter, paf, qu'est-ce que ça va changer? Oh non, rien ne va changer. L'amour est sans pitié. Oh non, rien ne va changer. L'amour est sans pitié. No era una cosa que pretengués quan he començat el programa d'avui, però al final ha estat bastant vinculat al Quebec, aquest àlbum, aquest programa del dia d'avui. De fet, avui ens hem aturat per finalitzar el programa de la música, també al Quebec, en Jean Leloup. Era el seu segon àlbum, el 1990. Tot i que es va publicar el 91, una segona edició de l'àlbum, ajuntant tres cançons més de l'àlbum original. És el disc L'amour sans pitié que ens aportava aquest intèrpret, que és nascut el 14 de maig del 1961, se'n fou una ciutat, un poble, ajuntat a la vila del Quebec. Jean Leloup, el seu nom original és Jean Leclerc, amb diferents estils musicals que ha participat a la seva carrera artística, més a més de cinema, televisió i literatura, en la qual també hi ha participat en diferents àlbums. Fa temps es va retirar, però després va retornar el 2009 a portar-nos, i fins i tot el 2019 va portar un àlbum que s'anomenava L'estrany país, que també va tenir força repercussió. Bé, d'ell, doncs, escoltem alguna de les cançons d'aquest disc del 90, en el qual doncs es varen publicar diversos senzills que amb el programa d'avui anirem escoltant, com aquest que donava nom al disc, o aquesta cançó que es diu Isabel. le soir venu, arrivé les 10 heures et c'est vide et incongru. Mais enfin, quoi t'as l'air? T'en vois plusieurs qui rigolent, qui se parlent dans bandeau, qui se foutent de double ou qui rient ou qui l'est. Ridicule, tu demandes à la blonde serveuse qui est sa meilleure amie. Elle répond, ne sait pas ni le pourquoi, le comment, avec l'air innocent. Tu sais très bien qu'elle te ment. C'est pas facile quand Isabelle te laisse tomber, y'a pas de quoi rire. Quand Isabelle te fait marcher, ma petite abeille, je t'aime encore, dis-moi que tu dors, ma petite merveille. Dis-moi que l'amour n'est pas mort. Isabelle, Isabelle, réponds-moi et parle-moi. J'ai pas su, pas voulu, enfin j'ai pas fait exprès. Mais je ne dis plus rien maintenant, c'est pour de vrai maintenant à présent. L'amour est tout ça. Així hem arribat al final d'aquest programa amb les cançons, amb els singles de Jean Leloup, el protagonista de les cançons. Si teníem nom de dona abans amb Isabel, ens acomiadem avui amb Nathalie, la darrera de les cançons que escoltem a càrrec d'aquest disc de pop-rock, poc alternatiu del cantant quebequès. Serà fins la propera ocasió. Salutacions de Rafael Corbí a Olala Música. Nathalie, dans le naissant des tromis, et moi je m'en suis épris par un bel après-midi. Il y avait Hendrick, Jimmy, mais je n'avais pas un radis. Alors naquirent les ennuis de l'homme qui perd sa jolie. Alors j'ai bu du calva, de la bière et du coca dans les bras d'une pola qui fumait son chocolat et faisait du zen bouddha. Ainsi va la vie qui va, ainsi va la vie qui va, ah. Ainsi va la vie qui va, ah. Ainsi va la vie qui va, ah. Ainsi va la vie qui va, ah. Marianne. Elle est héroïnomane. Elle roule en vieille bécane. Elle a eu la panne, elle l'a eu dans la figure. Qu'est-ce que tu veux, la vie est dure, attachée à son copain comme un petit bout de pain et à son litre de vin. Volée chez le dépanneur, elle veut aller dans les îles. Elle veut fuir la grande ville, mais elle y arrivera pas. Ainsi va la vie qui va. Ainsi va la vie qui va. Ainsi va la vie qui va. Ainsi va la vie qui va. Ainsi va la vie qui va. Les ambulances venaient vont en pimpant. Et on entend les klaxons pimpant. Les ambulances y elles vont pimpant. Plus qu'on est de fou et plus con. Cette ville s'est enfoulée la cheville. A dû cesser le balai. Et elle traîne dans les bars. Elle s'ennuie, elle en a marre. Ils en sont tous amoureux, même moi, je suis con pour deux. Petit roman de mépris. Quand je la vois, mon cœur bat. Mais impossible de le dire. Je crois qu'elle se mettrait à rire. Elle me dirait comment ça. J'aurais jamais cru que toi. Ah. Ainsi va la vie qui va. Ah. Ainsi va la vie qui va. Ah. Ainsi va la vie qui va. Ah. Ça pour dire qu'aujourd'hui, le soleil et puis la pluie se sont mis de la partie, mouillant les yeux de Sylvie, les cheveux de Nathalie et les yeux de Marianne, les cheveux de Marianne. Comme je les aime mes amis, qu'est-ce qu'on a bu cette fois-là. J'en ai eu une gueule de bois pendant au moins 2-3 mois. Bon d'accord de jour ou 3, bon d'accord de jour ou 3. Trois petits chats et puis s'en vont. Ainsi va la vie qui va, ah. Ainsi va la vie qui va, ah. Ainsi va la vie qui va, ah. Ainsi va la vie qui stoppe. Ainsi va la vie qui va, ah. Ainsi va la vie qui va, ah. Ainsi va la vie qui stoppe.